بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس الرابع والعشرين في شرح عمدة الأحكام et donc nous allons commencer aujourd'hui le cours numéro 24 dans l'explication de عمدة الأحكام. فالحديث الخامس le cinquième hadith dans le chapitre lié au liquide préséminal et autres. الحديث الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. Selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, qu'un bédouin est venu dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a uriné dans la mosquée. Alors les gens l'ont fortement blâmé et sévèrement blâmé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a empêché, leur a interdit de blâmer cet individu. Et lorsqu'il a fini d'uriner, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné et a demandé qu'on vienne avec un seau rempli d'eau et a déversé cette eau sur cette urine. ذكر العلماء من فوائد هذا الحديث أن النجاسة تزول بالماء وأن عين النجاسة إن زالت بصب الماء عليها يكتفى بذلك. Les savants ont cité parmi les leçons profitables de ce hadith le fait que l'impureté s'en va avec l'eau et que si il y a une impureté sur le sol et que le fait de verser l'eau sur celle-ci est suffisant pour faire disparaître l'eau, pour faire disparaître, excusez-moi, l'impureté, alors on se suffit de cela. Ça, c'est l'avis donc de la majorité des savants. Certains savants, comme l'école Hanafite, ils voient que si c'est de la terre, il faut retourner la terre. Donc il faut creuser, s'il y a une impureté, comme de l'urine, il faut creuser et retourner la terre pour enlever l'impureté. Mais ça, ce n'est pas nécessaire, comme on peut le voir clairement dans ce hadith. Si on a un moyen donc d'enlever cette impureté et que l'impureté elle disparaisse, bien là, cela suffit largement. وكذلك من فوائد هذا الحديث العناية بالمساجد وتنظيفها وتنزيهها من البول والقذر. Parmi les leçons de ce hadith, il y a le fait d'accorder de l'importance aux mosquées et au nettoyage des mosquées et aussi au fait de préserver les mosquées de toute urine, de toute forme d'impureté. Et alhamdulillah, c'est pour ça que ici on est quand même dans une ni'ma. Alhamdulillah, t'arrives à la mosquée, toujours propre, mashallah. Alhamdulillah, qu'Allah Azza wa Jalla récompense les frères qui s'occupent de cela. C'est une grande ni'ma. Wa kadhalika min fawa'id hadha al-hadith wujub tathhir al-masajid min an-najasa fawran. L'obligation de nettoyer les mosquées et d'enlever les impuretés à l'instant. C'est-à-dire que quelqu'un, ça peut arriver, les enfants viennent, ils font des cours de Coran, etc. Comme on a ici dans la mosquée les après-midi, et il se peut qu'il y ait un accident. Un enfant qui n'arrive pas à se retenir, et il urine dans la mosquée. Il ne faut pas laisser attendre. Il faut nettoyer tout de suite. Parce que cela peut entraîner des dégâts par la suite. Le fait qu'on dit, allez, on finit le cours, Inch'Allah, on finit le cours de Coran avec les enfants, et après, on va nettoyer. Entre-temps, il y a combien d'enfants qui peuvent passer dans l'urine? enfin qui passe dans l'urine là-bas et qui continue à marcher, etc., etc. Ou alors on oublie carrément après. On oublie après, il y a quelqu'un qui va venir prier, qui va venir poser son front, etc. Et donc non, tu nettoies tout de suite. Tout de suite, comme ils ont fait donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك في الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته. Il y a le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa sagesse. La sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a laissé l'homme uriner. Quelqu'un va nous dire, mais ça c'est de la sagesse. Laisser quelqu'un uriner dans la mosquée, c'est de la sagesse. On va te dire, na'am. On va te dire, na'am. لو أننا منعنا وهو قد بدأ فحبسنا ماذا قد يحصل قد يقوم ثم بعد ذلك لا يملك نفسه فيستمر في البول وينتشر البول على أثيابه أو على أماكن أخرى من المسجد فيصعب تنظيف المسجد بعد ذلك. Il se peut que la personne, lorsque tu l'empêches, elle a commencé à uriner. Tu l'empêches, tu dis non, surtout pas. Tu arrêtes la personne. La personne, elle se lève, elle se retient, et ensuite, elle n'arrive plus à se retenir. Elle s'est déplacée, elle n'arrive plus à se retenir. Il se peut que l'urine continue de couler sur ses vêtements, sur la mosquée, dans un autre endroit de la mosquée. Aujourd'hui et maintenant, au lieu d'avoir un seul endroit de la mosquée à nettoyer, tu vas devoir te nettoyer plusieurs endroits. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé finir. Une fois qu'il a fini, il a ordonné qu'on amène de l'eau et qu'on nettoie l'endroit. Dossier classé. Affaire classée. Masha'Allah. Masha'Allah. Ça aurait été nous, on fait quoi, nous? Il faut qu'on apprenne ça. Hein? La sagesse, la douceur, que ça va passer. Et donc, il est important, donc, les frères, qu'on apprenne le bon comportement. Et c'est dans ce genre de cours, en apprenant la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on apprend le bon comportement. Wa fil hadith, ta'zimul masajid. Le grand respect qu'on doit accorder aux mosquées. Une personne, elle peut comprendre le hadith à l'envers. Elle va lire le hadith, elle va te voir, ah, donc c'est permis d'uriner dans la mosquée. Non, c'est l'opposé total. Ce n'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a laissé la personne finir ce qu'elle a commencé pour éviter un plus grand mal, que ça veut dire que tu peux commencer. Non, les mosquées, nous avons un grand respect à accorder aux mosquées. Les maisons d'Allah, nous devons respecter ces lieux. Et aussi, un sujet important, un sujet très très important, مشروعية ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما. Le fait, il y a dans ce hadith, je vais vous expliquer, Inch'Allah, le fait qu'il ait légiféré d'appliquer la règle du moindre mal pour repousser un plus grand mal. S'il y a deux sujets inévitables, c'est-à-dire tu es obligé de prendre une voie, c'est un mal. Une autre, c'est un mal. À ce moment-là, tu appliques ce hadith. Le moindre mal. Là, ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué le moindre mal. Quel était le moindre mal? De le laisser finir. De le laisser finir. Mais attention, ça, c'est quand la boude d'amine, quand il n'y a pas le choix. Tu es obligé de faire soit ça, soit ça. Des personnes vont te dire, parce que parfois, des personnes, ils prennent ce hadith-là, ils vont aller travailler. Allez hop, dans le travail, son patron lui dit, bon, aujourd'hui, t'es livreur, tu vas livrer de l'alcool à Strasbourg. Il va te dire, bon, allez, c'est soit je livre l'alcool et je me fais pas virer, soit je livre pas et je me fais virer. Le moindre mal, c'est que je me fais pas virer. C'est que je me fais pas virer. On va lui dire, Là. Ce n'est pas comme ça. Là, ici, Allah Ta'ala, il faut que tu mettes ta confiance en Allah Azzawajal et t'accorde la subsistance. Et qu'est-ce qui te dit que tu vas te faire vieillir? Combien de fois des frères sont venus me voir avec ce problème-là? Une fois un frère, il m'appelle, il me dit « Réponds, s'il te plaît. » Il m'appelle, je réponds pas, je réponds pas. Après, il m'envoie un message, « S'il te plaît, réponds, c'est urgent. » Je réponds, il me dit « Akhi, j'ai un problème, j'ai un camion, là aujourd'hui je dois livrer de l'alcool. » J'ai dit bah, « Tu livres pas ?» Oui, mais tu sais comment ça se passe. Oui, mon patron, il est musulman. Ah, il est musulman, plus ton patron. Mashallah. Il est musulman en plus, et tu veux que je te dise de ne pas le faire. Mais non, akhi. Et donc, parfois, il faut qu'on mette notre confiance en Allah Azza wa Jalla. Il faut qu'on mette notre confiance en Allah, et qu'on ait peur, et qu'on arrête d'avoir peur des gens. Mais tout cela... sans avoir peur d'Allah Azza wa Jalla. À chaque fois, on a ce problème. On a plus peur des gens que d'Allah. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème. Allah Azza wa Jalla, il a blâmé les mécréants concernant cela. La antum ashaddu rahbatan fi qulubihim min Allah. Ils ont plus peur de vous que d'Allah. Et donc, il faut qu'on fasse attention à ça. Tu as peur d'Allah Azza wa Jal. Tu lui obéis, lui. C'est important. Et donc, on ne comprend pas ce hadith à l'envers. Barakallahu fikum. Donc, il y en a un qui va faire un truc haram, il va lui dire, c'est Abdel Karim qui m'a appris la règle. Attention. Ensuite, le hadith où dalilun ala anna al-bawla najis. Le hadith est une preuve que l'urine est impure. Rappelez-vous, on avait vu précédemment que l'urine est impure par l'unanimité des savants. Et je vous ai dit que l'auteur, il cite le dalil par la suite. Voilà le dalil, il est venu. C'était ce hadith-là. Ensuite, le hadith ou al-sadis, le sixième hadith dans le chapitre, et c'est le dernier. Le dernier hadith de ce chapitre, inshallah ta'ala, on ne va pas finir le chapitre aujourd'hui, parce que le hadith, il est un peu long. Iznillah, on va finir le hadith la semaine prochaine, en plusieurs cours. Allahu alam. Mais en tout cas, il y a beaucoup de sujets abordés dans ce hadith. Je ne vais pas aborder tous les sujets parce qu'il y en a qui sont plus compliqués que d'autres. Mais bi'idhnillah, pour la première fois, on va essayer d'aborder un maximum de sujets bi'idhnillah ta'ala. An Abi Hurayrah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul al-fitratu khams. Selon Abu Hurayrah radiallahu anhu, qui dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « La fitra est de cinq. » La fitra est de cinq. Cinq éléments, cinq choses. On verra par la suite, inshallah, ne vous inquiétez pas. El khiten, la circoncision. El istihdad, le fait de, donc, de raser les parties, de raser les poils pubiens. Kossu sherib, le fait de tailler la moustache. Taqlimul avfar, le fait de tailler les ongles. Netful ibti, c'est quoi netful ibti? L'épilation des poils des aisselles. Ok? J'ai pas dit raser, j'ai dit l'épilation. On verra, inshallah ta'ala, on va aborder le sujet. Al-muradu bil-fitra. Mais où al-muradu bil-fitra? Qu'est-ce qui est voulu par la fitra? Les savants ont cité plusieurs significations du mot al-fitra. C'est pour ça que je ne l'ai pas traduit. Ibn Hajar dans Fath al-Bari, il dit que le mot al-fitra, souvent, il vient avec des significations différentes. Parfois, le mot al-fitra, bima'na sunan al-anbiya. Parfois, c'est la sunna des prophètes. C'est la sunna des prophètes, ce qui est voulu par le mot al-fitra. Parfois, ce qui est voulu par le mot al-fitra, c'est al-islam. La religion musulmane, al-islam. Parfois, ce qui est voulu par al-fitra, c'est al-sunna. La sunna. Le suivi de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est voulu par al-fitra, ici, dans ce hadith, c'est al-uqul salima, خلقت حيث تستحسن أمورا وتستقبح أمورا أخرى. En fait, c'est le fait que les raisons saines, elles ont été créées de façon à apprécier certaines choses et détester certaines choses. La raison saine, elle va apprécier certaines choses, la propreté, et elle va détester certaines choses, les impuretés. Cela, on appelle ça al-fitra. On appelle ça al-fitra. Le fait que, de toi-même, tu ne vas pas apprécier le fait de voir ses ongles qui poussent comme ça. Le fait que tu ne vas pas apprécier justement le fait de laisser donc certains poils à certains endroits comme ça, la personne, de sa fitra, de cette raison saine, elle ne va pas apprécier ça. Et donc c'est ça qu'on appelle al-fitra. Et donc dans le hadith, la fitra est de 5. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que 5 choses qui sont liées à la fitra? Il y en a plus. Il y en a plus. Certains savants en ont dénombré 30. D'autres encore plus. Il y a plus que cela. Dans le hadith de Aïcha, fi Sahih Muslim, Aïcha, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-fitratu ashara. Ou alors ashara min al-fitra. 10 choses font partie de la fitra. 10 choses font partie de la fitra. Et donc, la fitra ne s'arrête pas à ces 5-là. Ce qui est voulu par là, ce n'est pas le fait de délimiter tout ce qu'il y a, le fait de dénombrer tout ce qui est lié à la fitra. Non, le prophète, il nous cite ici certains exemples. Et c'est pour cela que dans une autre narration, fi Sunan an-Nasa'i, khamsa min al-fitra. Alors, khamsun min al-fitra. C'est-à-dire, il y a 5 choses qui font partie de la fitra. Là, c'est plus précis. 5 choses font partie de la fitra. Et donc, ces 5 choses, avant de commencer à voir ces 5 choses, il y a un sujet que je voudrais aborder. C'est que هذا الدين سبحان الله هذا الحديث منذ ما بدأنا هذا الكتاب رأينا أحاديث كثيرة تحث أو تحث على التنظيف والتزيين. Depuis qu'on a commencé ce livre, on a vu beaucoup de hadiths qui appellent à la propreté et au fait de s'embellir. Rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Certes, Allah il est beau, il aime la beauté. Il aime la beauté. Et donc, cette religion elle appelle l'individu à ne pas se laisser aller, à faire preuve de propreté, de se faire beau. Et c'est là qu'il y a une parole, les frères, qui me blesse profondément. Vous allez comprendre. Parmi les éléments que Aïcha, ce ne sont pas les éléments qui sont cités dans le hadith d'aujourd'hui, mais dans le hadith de Aïcha, lorsqu'elle cite que 10 éléments font partie de la fitra, elle cite parmi ces 10-là, elle cite le fait de laisser pousser la barbe. Elle cite parmi les 10 le fait de laisser pousser la barbe. Il y a une chose qui me blesse profondément. Ce n'est pas venant des non-musulmans. Ce n'est pas une parole que j'entends parfois chez des non-musulmans. C'est une parole qu'on entend parfois chez des musulmans. Qui vont te dire « Alayka an tahliqa hadhihi al-lihya li tatazayyan li takuna jamilan wa li takuna nadhifan » Qui vont dire qu'il faut que tu rases cette barbe pour te faire beau, pour être propre. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'appelait pas les gens à la propreté et à la beauté, au fait de se faire beau? Il faut faire attention à ce qu'on dit. La personne, lorsqu'elle va dire cette parole-là peut avoir de lourdes conséquences. Juste le fait de dire ça, il faut faire attention. Et donc, notre religion nous appelle au fait de se faire beau. Notre religion nous appelle à la propreté. Notre religion nous appelle à la pudeur. Notre religion, elle nous appelle à nous améliorer, à chercher à nous améliorer. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le premier élément qui a été cité dans ce hadith, al-khitan. Al-khitan, la circoncision. والختان هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة. Donc déjà, premièrement, définir qu'est-ce que la circoncision. Les savants ont bien entendu expliqué cela pour que les gens ne se trompent pas, pour que les gens ne fassent pas n'importe quoi. Il y a besoin de savoir de quel sujet on parle. La circoncision, c'est le fait de couper la peau qui va recouvrir donc le gland du pénis. C'est ce qu'on appelle l'opération de la circoncision. قالت العلماء إن أول من اختتن هو إبراهيم إبراهيم عليه السلام وهذه والختان من سنن المرسلين. La première personne, les savants ont dit que la première personne, et ils sont unanimes sur cela, la première personne qui s'est fait circoncire, c'est Ibrahim alayhi salam. Et la circoncision fait partie des sunan des messagers. Et donc, notre religion nous appelle à suivre justement la religion d'Ibrahim. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin. Alors suivez la religion d'Ibrahim, Hanifa, celui qui se détourne du polythéisme et qui se tourne vers l'unicité, vers Allah seul, et il ne faisait pas partie des polythéistes. Et donc, nous devons suivre la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Et voilà pourquoi nous disons aussi que les musulmans se sont distingués par cela. Parce que tous disent suivre la religion d'Ibrahim. Mais où sommes-nous donc de cette sunna? Et on a déjà abordé ce sujet plusieurs fois, que tout le monde se dispute Ibrahim. Mais qui le suit réellement? Ce sont les musulmans qui le suivent. وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. Ibrahim n'était pas juif ni chrétien, mais il était hanifan, c'est-à-dire hanif, il se tourne vers Allah seul et délaisse l'adoration de toute autre chose. Et il était musulman. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui nous allons voir, pas aujourd'hui, mais durant les prochains cours, la semaine prochaine, on verra en détail qu'est-ce que la circoncision. Pourquoi? Parce que, bien entendu, il y a divergence concernant la circoncision. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est recommandé? À chaque fois, les frères se convertissent, obligatoire ou recommandé? C'est obligatoire ou c'est recommandé? Inch'Allah, on va voir ça la semaine prochaine. Bi'idnillahi ta'ala. Mardi, Inch'Allah, à la même heure, wafakallahu al-jami'a, lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.